Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter le 25 l'octogénaire de l'ancien prisonnier non converti à long terme, Choi Tae-gu, patriote et partisan de la réunification.